Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le fantôme du château de Vos. Avant de commencer notre récit, il me faut vous avertir que l'histoire que vous allez entendre se situe aux frontières du réel et aux limites du paranormal. Malgré de nombreuses démarches scientifiques et techniques, en effet, personne n'y a trouvé un semblant d'explication. Depuis plus de 33 ans, le mystère reste donc entier. Les faits remontent à la nuit du 8 au 9 août 1984. Ce soir-là, une équipe de France Inter, emmenée par le journaliste Jean-Yves Casga, visite un château du Moyen-Âge dans la région de Vichy, le château de Vos. Alors qu'ils arpentent le chemin de ronde creusé dans les remparts, dans l'obscurité, ils tombent nez à nez avec une forme lumineuse de couleur blanchâtre. Celle-ci flotte au-dessus du sol et se déplace à quelques mètres d'eux sans faire le moindre bruit. La rencontre est extraordinaire. Elle dure plus de 25 minutes. Au terme de cette expérience, les membres de l'équipe en ressortent bouleversés. Voilà. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que, pour la première fois dans une affaire d'apparition, on dispose de deux preuves. Il y a d'abord un enregistrement audio de toute la séquence réalisé par l'équipe de France Inter, ainsi qu'une photo prise au moment de la rencontre avec cette chose inconnue. Depuis, un grand nombre de journalistes accompagnés d'experts se sont rendus eux aussi au château de Vos pour tenter à leur tour d'approcher et pourquoi pas d'entrer en contact avec celle qu'on surnomme dans la région le fantôme de Lucie. Aucune de leurs tentatives n'a abouti. Après le récit, nous recevons Jean-Yves Casga, justement, ce journaliste et producteur de France Inter à l'époque des faits, témoin de première main, pour le coup, dans cette affaire. Également avec nous, par téléphone, dans le Var, Christian Rose, ancien ingénieur du son ici même à France Inter, il accompagnait Jean-Yves Casga au château de Vos. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Paris, maison de Radio France, nous sommes au milieu du mois de juillet 1984. D'habitude, à l'intérieur de ce bâtiment qui abrite notamment France Inter et eu égard au métier qu'on y pratique, l'ambiance est plutôt bouillonnante. Mais en cette période de vacances d'été, disons que sans être désert, les couloirs sont beaucoup plus calmes. Assis seul à son bureau, le journaliste Jean-Yves Casga écrit les dernières lignes du lancement de son émission « Boulevard de l'étrange ». Voici 3 ans que ce passionné de littérature, ancien professeur de lettres classiques, s'occupe d'une case à part sur la grille des programmes de la station. Chaque jour, il propose aux auditeurs de partir à la rencontre de phénomènes ou d'événements inexpliqués. Énigmes scientifiques non résolues, disparitions mystérieuses ou encore récits de légendes, les sujets ne manquent pas. Et ils sont autant de respirations dans une actualité toujours frénétique. Grâce à plusieurs coups médiatiques, le journaliste de 32 ans a acquis une certaine notoriété au sein de la Maison Ronde et dans le monde des dossiers classés X. Son émission est un succès et elle suscite de nombreuses réactions chaque semaine au courrier ancêtre du site franceinter.fr sur lequel, vous le savez, vous pouvez dire à loisir « j'ai aimé ou j'ai pas aimé cette émission ». Mais d'où vient chez Jean-Yves Casga cet intérêt pour les frontières du réel? Par goût de l'intrigue? Non. Par passion? Non plus en réalité. Le journaliste a une obsession, il veut trouver une réponse aux questions qui n'en ont pas. D'ailleurs, depuis 2 mois, le présentateur de l'émission Boulevard de l'étrange n'a qu'une idée en tête. Il veut mettre la main sur une vraie histoire de maison hantée. Il veut aller sur place pour la visiter, pour enquêter. Il veut aussi y enregistrer du son et des témoignages. Mais dans le monde de l'étrange et du paranormal, les fausses pistes sont légion, tout comme les fausses adresses. Quant aux témoins, ils se rétractent souvent à la dernière minute. Mais il en faut plus pour décourager notre journaliste. Persuadé qu'il va tomber sur la bonne histoire, Jean-Yves Casga s'accroche. Il démarche, il fouille dans les livres, mais rien, toujours rien. Jusqu'au jour où un étonnant coup de téléphone le plonge dans une étonnante affaire. L'homme, à l'autre bout du fil, se présente comme un historien auvergnat. Il s'appelle René Crozet, et voici ce qu'il lui dit en substance. Monsieur Casga, je viens de lire une de vos interviews parues dans la presse, celle dans laquelle vous expliquiez être à la recherche d'une maison hantée. Figurez-vous, cher monsieur, que je rédige moi-même la chronique du Bourbonnais et que dans notre département, l'Allier, il y a une histoire qui pourrait sans doute vous intéresser. Il s'agit d'un château du Moyen Âge, le château de Vos. Le ton est sérieux, les propos rationnels. René Crozet maîtrise son sujet. Alors, Jean-Yves Casga écoute et note les différents détails que lui livre son interlocuteur. Je dois vous avertir que la rumeur autour du château de Vos court déjà depuis quelques années. Son propriétaire, un étrange baron du nom d'Ephraïm Tagori de la Tour, affirme avoir été témoin à plusieurs reprises d'apparitions. Dans le village et dans les environs, les gens s'interrogent. Certains, je ne vous le cache pas, sont très sceptiques sur cette histoire, mais d'autres, au contraire, semblent persuadés qu'il se passe bien quelque chose d'anormal, là-haut, au château. Peut-être devriez-vous aller y jeter un coup d'œil. L'entretien court et naturel séduit le journaliste. Pour tenter d'en savoir plus sur cette affaire, Jean-Yves Casga sollicite le service de documentation et d'information de Radio France. Grâce à l'aide des documentalistes, il met la main sur de premières et précieuses informations, et notamment sur le personnage qui semble être le point central de toute cette affaire, le dénommé Ephraïm Tagori de la Tour, propriétaire du château. Poète fantasque, musicien rêveur, conteur unique de sa propre histoire, qu'il réécrit et arrange sans fin, un jour espion, l'autre jour baron, Ephraïm Tagori de la Tour est un homme au profil bien curieux. Quant à son histoire, celle d'une dame blanche qui apparaîtrait la nuit sur le chemin de ronde du château, elle semble tirée tout droit d'un vieux roman de science-fiction. Et pourtant, lorsqu'on parcourt la presse régionale de l'époque, on découvre une série de témoignages troublants, à commencer par celui d'un certain Hubert Guillot. Un soir, alors que je raccompagnais monsieur le baron chez lui, il s'est produit un événement dramatique. Il devait être un peu plus de minuit, lorsque nous sommes arrivés au château, je l'ai déposé, il a fait quelques pas, puis il s'est soudain immobilisé face à la grande tour. On aurait dit que quelqu'un l'avait foudroyé. Je suis aussitôt sorti de ma voiture et je me suis précipité vers lui. Le baron ne bougeait pas. Il ne me répondait pas. Et puis, au bout de quelques instants, il s'est retourné vers moi et m'a lancé. « Vous l'entendez, Hubert ? Elle me parle. Elle me parle. C'est Lucie qui me parle. » Le récit de cette scène surprend, d'autant qu'Hubert Guillot, le témoin, n'est autre que le maire du village de Vos. Alors quoi ? S'agit-il d'une blague collective ou bien est-on vraiment ici en présence d'un vrai cas de château hanté ? Pour le moment, Jean-Yves Casga ne se fait aucune illusion. Ce qui l'intéresse à vrai dire, c'est surtout d'aller rencontrer le baron et de tenter de l'interviewer. Car sans aucun doute, cet homme a le profil pour un bon reportage, un bon client, comme disent les professionnels de la profession. Pour autant, l'affaire de Vos est prometteuse, il serait déraisonnable de passer à côté. Alors, le journaliste de France Inter appelle la productrice de l'émission Contre-enquête sur TF1, Anne Wang. Sans hésiter, celle-ci accepte d'envoyer une équipe de télé sur place. Pour cette aventure, France Inter et TF1 feront donc cause commune. Mardi 7 août 1984, il est un peu plus de 13h. Dans le département de l'Allier, à 50 km au nord-ouest de Lyon, deux véhicules roulent à allure modérée sur un chemin de campagne. Au volant du premier, le journaliste Jean-Yves Casga. Dans le second, deux hommes d'une quarantaine d'années, Christian Rose et Jean-Michel Cookie. Tous deux sont ingénieurs du son à France Inter. À l'arrière de leur camionnette, ils transportent un matériel d'enregistrement audio sophistiqué. Les minutes passent, les voitures longent les champs, puis traversent d'épaisses forêts. Lorsqu'enfin, au détour d'un virage, apparaît un panonceau indiquant le nom du village de Vos. 100 mètres plus loin, l'équipe de France Inter aperçoit l'église. Et là-haut, au sommet de la colline, il voit le château. Quelques instants plus tard, les deux véhicules arrivent devant les grilles. Dans un grincement profond, la porte s'ouvre. Jean-Yves Casga pénètre le premier dans la cour d'enceinte. Le spectacle qui s'offre à lui vaut le détour. Car avec ses 5 tours de plus de 20 mètres de haut, son donjon, ses meurtrières, son pont-levis et ses postes de garde, l'édifice impressionne. Bâti à partir du XIe siècle, vraisemblablement sur les restes d'une ancienne ferme fortifiée, le château possède en tout plus de 118 pièces et une dizaine de cheminées. Et à bien des égards, il ressemble davantage à une forteresse qu'à une simple demeure de seigneur. Sur le perron, Monsieur Henri, l'homme à tout faire du baron, souhaite la bienvenue aux 3 membres de l'équipe de France Inter. Puis il les invite à le suivre à l'intérieur du bâtiment. Après un parcours qui leur fait traverser de longs couloirs et plusieurs salles, ils arrivent dans la bibliothèque du château, là où les attend le baron Ephraim Tagori de la Tour. En vrai, l'homme est fidèle aux photos que la presse a publiées. Monocle à l'œil gauche, canne dans la main droite, chapeau melon, il porte un vieux costume style que de pie. On verra bien, Paul Meurice incarnait son rôle au cinéma. Le baron accueille ses invités avec un grand sourire. Il semble manifestement très heureux d'avoir de la visite. Au fil de l'échange, Jean-Yves Casgat tente de cerner ce vieil homme de 72 ans, mais pour toute réponse, il n'obtient que des propos évasifs. Au bout d'une demi-heure de conversation, toutefois, les langues commencent à se délier, et la confiance s'installe entre le journaliste et le maître des lieux. Le baron se livre à quelques surprenantes confidences. Et parmi celles-ci, il explique d'un ton assuré qu'il a rencontré à plusieurs reprises le fantôme d'une jeune fille la nuit dans les couloirs de son château, et celle-ci se prénommerait Lucie. Monsieur Tagori de la Tour, vous l'avez croisé souvent, Lucie ? Tant de temps. Quand je ne suis pas trop fatigué, quand je me promène dans mon château, je rencontre Lucie. À quoi elle ressemble ? De commencement, si on ne connaît pas bien ce sujet, on voit une lumière. Après quelques fois, on peut bien se rendre compte que ce sont des contours, ce visage, ce sont de certaines traits humaines. Et normalement, c'est une créature lumineuse. La première fois que vous l'avez vue, Lucie, vous-même, qu'est-ce que ça vous a fait? Je me rappelle pas bien parce que c'est tellement longtemps. Vous avez peut-être, je sais pas quelle année. Mais j'essaie, vous avez, toute ma vie, j'essaierai très bien qu'elle aussi existe. Le baron n'est pas le seul qui croit dur comme fer au fantôme de Lucie. Une jeune étudiante du nom de Florence, qui travaille comme guide au château, affirme elle aussi l'avoir rencontrée. J'ai toujours l'impression d'être surveillée ici. J'ai déjà vu Lucie, hein. J'ai vu une ectoplasme, une forme lumineuse. Qui bougeait, qui s'avançait vers nous, puis qui disparaissait. Et qui réapparaissait quelques secondes après. Avec à l'intérieur une sorte de silhouette de femme. C'est assez vague quand même. Et c'est très impressionnant. À bien des égards, ces deux récits interpellent. Qui est donc cette mystérieuse Lucie et pourquoi cette jeune fille viendrait-elle ainsi hanter le château ? L'histoire de Lucie trouve sa source au milieu du XVIe siècle. À cette époque, le puissant seigneur du château de Vosges accepte de rendre service à l'un de ses amis, un noble ruiné. Il engage sa fille, une enfant de 13 ans, à son service. Les années passent, la jeune fille grandit, elle devient une femme, elle est belle et séduisante. Et très vite, elle abandonne le ménage et la cuisine pour devenir la dame de compagnie préférée du châtelain. Une haine tenace naît alors entre elle et la châtelaine qui se sont humiliées. Or, un beau jour, le seigneur doit faire partir pour la guerre. En son absence, la châtelaine obtient tous les pouvoirs, et surtout celui du droit de justice, comprenait de vie et de mort sur les personnes vivant dans le domaine. Sa première décision est d'enfermer sa jeune rivale dans les oubliettes de la prison. La jeune femme va y mourir quelque temps plus tard, dans des conditions terribles, morte de froid ou de faim, ou les deux. Or, au même moment, des paysans vont affirmer avoir vu son âme sur le toit de l'une des tours du château. La légende de Lucie, car c'était le nom de cette jeune femme, est née. Et elle va ensuite traverser les siècles grâce au bouche à oreille chez les habitants de la région, on appelle ça la tradition orale. Pourtant, Lorsqu'on interroge l'un des 37 habitants du village de Vos, la plupart d'entre eux restent sceptiques. Et c'est le cas de cette dame de 82 ans qui habite près du château. Mais j'ai connu la famille ancienne, moi. Ancienne. Et les anciens propriétaires ne parlaient jamais du fantôme? Eh bien, monsieur, jamais j'ai entendu parler, moi. Non. Je travaillais de la terre, je m'en allais dans les champs avec mes vaches. Peut-être qu'il y en avait qui voyaient, moi, jamais, moi. Je suis allée au château souvent, mais jamais j'ai vu. J'aurais peut-être pas su ce que c'était, un fantôme. Mais est-ce que vous y croyez aux fantômes? Oh, ma foi. Mais je ne crois pas aux fantômes. Moi, je crois que c'est la personne que je vois. Je ne crois pas aux fantômes. Alors, que pensait de tout ça? Le baron et son employé ont-ils tout inventé? Mythomane du donjon ou témoin sincère? Pour l'instant, Jean-Yves Casga n'a pas la réponse, mais son intuition lui dit qu'il doit aller au bout de son enquête. Il est un peu plus de 16h, ce mardi 7 août 1984, lorsque la camionnette de TF1 arrive à son tour au château de Vos. L'équipe de télé part en repérage et fait quelques plans extérieurs. De leur côté, Christian Rose et Jean-Michel Coqui, les deux ingénieurs du son de France Inter, installent des micros espions dans la salle de garde et surtout le parcours supposé de l'apparition de Lucie. Rien n'est laissé au hasard. Toute l'installation est câblée, vérifiée. Rose et Coqui vont même jusqu'à transformer l'une des pièces de l'aile Renaissance du château en régie technique. Si quelque chose, ou plutôt quelqu'un, venait à se manifester ce soir, ils seraient les premiers avertis. Conscient qu'il tient sans doute une histoire passionnante, Jean-Yves Casga est bien décidé à aller jusqu'au bout. Il veut enregistrer quelques séquences avec le baron dans le château lorsque la nuit sera tombée, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies pour voir éventuellement le fantôme de Lucie. Les heures passent, l'attente commence. Vers 22h, Jean-Yves Casga propose au baron de monter dans les étages et de lui faire visiter la tour mal coiffée, c'est son nom, et c'est le rempart. Il veut voir aussi la salle de garde, les endroits où Lucie serait déjà apparue. Dehors, le soleil disparaît progressivement, l'ambiance devient vite oppressante dans les couloirs sombres du château. Le silence est pesant. 23h sonne à l'horloge. Les deux hommes marchent seuls et poursuivent leur visite. Micro à la main, le journaliste de France Inter poursuit son interview du baron. Quand vous venez d'habitude ici, est-ce que vous vous sentez attiré parce que Lucie va venir ou vous venez un petit peu au hasard? Normalement, je viens parce que n'y a rien à faire. Je suis angoissé et je ne peux pas dormir. Comme ça, je viens ici, je fais tout le tour du château. Et je viens ici, bien sûr, avec espoir, voir le fantôme. À mon avis, je vous dis, nous verrons le fantôme. Comment? Nous verrons le fantôme. Et pourquoi vous pensez que nous allons le voir? Parce que je vois cette lumière, que ça change. Vous savez, ça change quelque chose qui cache, quelque chose qui dérange. La lumière passe directement par cette ouverture. Normalement, ce n'est pas particulier. Quelle heure est-il? Ça devrait sonner. Oh. À minuit pile, l'horloge se met à sonner. Le bruit résonne et traverse les vieilles pierres. Jean-Yves Casga et le baron restent immobiles. Les minutes passent, les deux hommes tâtonnent dans le noir. Mais ce soir, personne ne semble décidé à venir à leur rencontre. Mais soudain, alors que le baron ouvre la porte de la salle des gardes, un ingénieur du son prévient Jean-Yves Casga sur son talkie-walkie qu'il connaît d'étranges problèmes techniques. J'ai toujours des problèmes de mag. Alors là, c'est la technique qui intervient. Parce que, pour ne rien vous cacher, nous sommes reliés en permanence par talkie-walkie avec un technicien qui assure un enregistrement de loin pendant qu'on enregistre, nous, en plus, de près, sur les lieux. Alors, il faut quand même reconnaître que depuis qu'on est là, On a donc décidé de piéger le trajet en mettant des micros un petit peu partout. Et il s'est quand même passé quelques petits faits anodins comme ça. Et à savoir qu'on s'est absenté un quart d'heure, on est revenu affolé par un grand bruit. On avait un baffle qui avait sauté, un baffle de contrôle, et qui commençait à cracher de tous les côtés. Bon, bonne technique. Et puis, on ressort, et puis on revient, toutes les grandes emmêlées, parce que le magnétophone qui enregistrait s'était arrêté, s'était bloqué. En fait, il s'était débranché, l'alimentation débranchée. Alors imaginez que votre lampe de chevet, comme ça, marche, et puis tout d'un coup, elle se débranche. Alors quand elle est bien branchée, c'est curieux. Et puis là, maintenant, vous avez peut-être entendu crépiter le talkie-walkie. Les techniciens nous annoncent qu'il y a encore un problème technique de magnétophone. De retour à l'hôtel, l'équipe de France Inter et celle de TF1 font un débriefing de cette première journée de tournage. De deux côtés, on demeure toujours très circonspect sur cette histoire d'apparition au château de Vos. À l'exception peut-être d'un ingénieur du son de TF1 qui semble, lui, très affecté par toute cette histoire. Habitué aux grands reportages de guerre, il montre un comportement particulier depuis leur départ du château. Il ne se sent pas bien, il reste à l'écart, il est inquiet, étrange. De son côté, Jean-Yves Casga propose de renouveler l'expérience la nuit prochaine et avec l'aide, cette fois, d'un médium spécialiste des phénomènes d'apparition. Under the moonlight. Mercredi 8 août 1984. Les équipes de France Inter et de TF1 arrivent au château de Vos pour cette seconde journée de reportage. Une journaliste et un photographe du magazine Télé 7 jours les rejoignent. Le baron Ephraim Tagoré de la Tour est là aussi, bien sûr, pensez donc. Le propriétaire du château accueille ses hôtes avec la même bienveillance que la veille. De leur côté, Christian Rose et Jean-Michel Coqui, les ingénieurs du son de France Inter, s'empressent de vérifier leur matériel et le dispositif d'écoute dans la salle régie. Bonne nouvelle, tout semble fonctionner correctement pour l'instant. Un peu plus tard, aux environs de midi, un homme de petite taille, portant fine moustache et lunettes rondes, fait une entrée remarquée dans la cour du château. Cet individu d'une quarantaine d'années, c'est le médium Raymond Réan. L'homme est une référence dans le domaine de la parapsychologie. Comme convenu avec Jean-Yves Casga, il est venu apporter son aide aux journalistes pour décrypter cette affaire d'apparition. Pour l'occasion, le médium a demandé à être accompagné de sa petite fille Aurore, une enfant de 9 ans. Bon, l'équipe a accepté sans poser de questions. En milieu d'après-midi, on organise une nouvelle visite du château. Le caméraman de TF1 filme la scène. Tout se déroule normalement. Mais Aurore, la petite fille du médium, est inquiète. À plusieurs reprises, elle a l'impression que quelqu'un, ou plutôt quelque chose, l'observe, oui, là-haut, depuis les tours de garde. Après vérification, on ne trouve rien de suspect. Et l'épisode, forcément, donne lieu à toutes les spéculations. À la fin de la journée, les équipes de France Inter et de TF1 se préparent pour cette deuxième nuit d'observation. Pour augmenter leurs chances de rencontrer le fantôme de Lucie, Jean-Yves Casga scinde les équipes en 3 groupes. Le premier, celui de l'équipe télé, accompagné du photographe de Télé 7 jours, s'installera dans la salle des gardes. Un second groupe, formé des ingénieurs du son, sera enfermé à l'intérieur de la salle régie et surveillera en permanence l'ensemble des opérations. Enfin, un troisième groupe de 6 personnes, composé de Casga lui-même, d'un ingénieur du son de France Inter, Christian Rose, du médium Raymond Réan, de la petite Aurore, d'Argia Venturino, assistante à TF1, et de la journaliste de Télé 7 jours. Ils iront se placer dans la salle des pendus. Quant au baron, il restera à l'écart pour ne pas perturber le bon déroulement de l'expérience. Il est un peu plus de 23h45 lorsque le groupe de Jean-Yves Casga et du médium René Réan ouvre la lourde porte en bois de la salle des pendus au 4e étage. Dans le silence, chacun avance. On coupe les talkie-walkie. Dehors, il fait nuit noire, il n'y a pas un bruit. Les minutes passent, les 3 groupes sont désormais en position. Personne ne bouge, personne ne parle, lorsque soudain... C'est la grande horloge du château qui sonne les 12 coups de minuit. Tout le monde reprend son souffle. Dans la régie technique, la tension est extrême. Jean-Michel Coqui de France Inter a les yeux rivés sur sa console d'enregistrement. Pour l'instant, mis à part le halètement des respirations mal maîtrisées, il n'y a rien. Alors, l'attente reprend, dans le silence. Mais quelques minutes plus tard, nouvelle alerte. Dans la salle des pendus, le médium Raymond Réan attire l'attention du groupe sur un point lumineux. Oui, là, à côté d'une fenêtre. Au premier abord, il semble s'agir d'un simple rayon lumineux qui filtre à travers les vieilles tuiles lorsque, brusquement, le point de lumière se met à bouger. Micro allumé, Jean-Yves Casga enregistre en direct la réaction de Raymond Réan, de la petite Aurore et du reste du groupe. Près de la fenêtre, il y a quelque chose. Oui. Sur la gauche. Oui, qu'est-ce qu'il voit? Personne ne voit? Moi, je le vois. Cette fenêtre-là, sur la gauche. Lumière de dehors. Non, non. Mais ça avance sur la gauche encore. Qui est-ce qui la voit? Personne? Un peu moins. Plus maintenant. Non. Ça s'allume, ça s'éteint. Oui. Oui. Ça se déplace. C'est un peu plus sur la gauche encore. Oui. C'est plus au même endroit. C'est faible, hein? Oh. J'ai vu quelque chose de plus grand. Oui. Bon, ça a augmenté l'intensité d'un seul coup. Vous avez vu? Oui, là, c'est ça va. Oui. Oh, ça prend de l'intensité, là. Ah oui, là. Ah, on le voit bien, là. Oui. Ça va certainement prendre de l'ampleur. Oh, On voit des petits points qui circulent autour. Parmi les 6 personnes présentes dans la salle des pendus, tous sont témoins de cet étrange phénomène. De son côté, Aurore fixe cette forme imprécise qui apparaît puis disparaît par intermittence. Au fil de ses apparitions, la chose grandit et atteint par moments une taille humaine. Jean-Yves Casga et le reste du groupe sont stupéfaits. Ah, mais c'est dingue. Vous l'avez vu? Ah oui, s'approcher, oui. Oui. Tu la vois. Elle est en face de toi, mais assez loin. J'ai fait 2 petites taches. Ah, vous la voyez bien? Oui, je l'ai vu 3 fois. Oui. Ah, bien plus. Elle n'arrive pas à tenir longtemps sa luminosité. Elle est à côté de moi. Non, elle n'est pas à côté de toi. Elle est sur le mur. Elle est sur le mur. Ah non, elle est sur le mur, je te dis. Elle est sur le mur. C'est moi qui suis à côté de toi. Lucie. Elle est là. Là. Il ne faut pas se trouver dans l'axe de la caméra pour qu'il puisse la prendre. Là. Elle est là. Viens. On s'approche. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, oui. J'ai vu. Vous l'avez vu, là? Ah oui. Oh, merde, alors. En phase 2, dans un étrange balai, la chose se déplace. Elle flotte au-dessus du sol. À plusieurs reprises, le déclencheur de l'appareil photo fait entendre son bruit sec. Mais la chose ne bronche pas. Elle change juste d'intensité, comme une lueur. Puis, à la surprise générale, elle se déplace vers le chemin de ronde en direction de la salle des gardes, là où précisément l'équipe de télé l'attend pour filmer. Le groupe la suit à quelques mètres de distance et chacun prie pour que la chose arrive jusqu'à la caméra. Mais tout à coup, elle disparaît. À sa place, on distingue une torche de lumière. C'est celle du second ingénieur du son de France Inter, Jean-Michel Coqui. Il se précipite vers le groupe. Il tremble, il est inquiet, car il leur explique avoir entendu une sorte de cri humain dans son casque. Fort heureusement, il constate que tout le monde va bien. Quant à la chose, elle semble s'être volatilisée. Il est 00h30. Après 25 minutes d'intenses observations, Jean-Yves Casga décide de mettre fin à l'expérience. Les équipes se rassemblent alors dans la cour du château. Les visages sont graves. Christian Rose et Ardia Venturino, qui accompagnaient le journaliste de France Inter, ont du mal à réaliser ce qu'ils viennent de vivre. De son côté, Aurore, la petite fille du médium, semble très marquée par l'expérience. Son grand-père, Raymond Réan, lui, a l'air plutôt satisfait. Quant au baron, il est ravi et il affirme qu'il s'agissait sans aucun doute de Lucie, sa Lucie, celle dont il leur avait tant parlé. Deux jours plus tard, de retour à la maison de la radio pour monter son reportage, Jean-Yves Casga est encore sous le choc. Et pour cause. Parmi les 6 membres du groupe de la salle des pendus qui étaient avec lui lors de la rencontre, 5 sont certains d'avoir distinctement vu la chose. 5 personnes qui, rappelons-le, ne se connaissaient pas avant l'expérience. Sur la borne de montage, le journaliste réécoute avec ses 2 ingénieurs du son les bandes d'enregistrement. D'emblée, il ne fait aucun doute que le groupe de la salle des pendus est très surpris par la scène à laquelle il assiste. Comment d'ailleurs ne pas l'être ? Mais c'est un autre élément qui interpelle le journaliste de France Inter. En effet, Raymond Réan, le médium, parle d'un ton calme, et c'est le seul qui ne chuchote pas sur tout l'enregistrement, comme si, au final, il était le seul à ne pas être surpris par l'apparition de la chose. Autre élément qui retient l'attention du journaliste, les 4 photos exploitables sont celles qui viennent de l'appareil du médium. Alors, Raymond Réan aurait-il quelque chose à voir dans l'étrange phénomène, ou bien aurait-il pu influencer l'expérience? Cette analyse critique est pourtant battue en brèche par un autre point intrigant. Il s'agit de l'enregistrement sonore du mystérieux cri humain, souvenez-vous. C'est à cause de ce cri dans son casque que Jean-Michel Coqui avait quitté son poste pour porter secours à l'équipe avec sa lampe de torche. Eh bien, après analyse par le service technique de Radio France, l'origine de ce son va à l'encontre de toute approche rationnelle. Analyse analyse du son effectuée par la maintenance de Radio France. Fréquence 2 kHz. Niveau croissant. Signal décharge d'un condensateur. Seule hypothèse possible selon les données du constructeur, micro exposé à un taux d'humidité très élevé du type jet de vapeur dans ces conditions. Le micro aurait dû tomber en panne, ce qui n'est pas le cas. Cause inconnue à ce jour. Pour Jean-Yves Casga, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Le journaliste sent bien qu'on lui cache quelque chose. Oui, mais quoi? Et surtout, pourquoi? La réponse lui échappe. Deux mois plus tard, le 17 octobre 1984, sur les ondes de France Inter, on diffuse le premier des cinq numéros de Boulevard de l'Étrange, consacré à l'affaire de Lucie, le fantôme du château de Vaux. Épisode dans lequel on peut entendre des extraits d'enregistrements sonores réalisés la nuit de la rencontre. Conscient qu'il doit faire attention à ce qu'il dit pour ne pas influencer l'auditeur, le journaliste n'impose à aucun moment sa vision de l'affaire. Il propose simplement au public de le suivre pour découvrir le récit de la visite du château, de la rencontre avec le baron et de l'expérience nocturne qui a été la leur, en laissant les auditeurs se faire leur propre idée. Dans les jours qui suivent, les réactions sont nombreuses. Le Figaro Magazine propose à Jean-Yves Casga 3 pages pour raconter en détail son reportage. Le public, lui, est fasciné par cette histoire. Et dans la foulée, plusieurs grands médias vont s'intéresser à leur tour à ce dossier. On envoie des journalistes sur place, tout le monde cherche à voir Lucie, en vain. Depuis cette nuit incroyable d'août 1984, Jean-Yves Casga continue de s'interroger. Était-ce le fantôme de Lucie qu'il a vu cette nuit-là, ou était-ce autre chose? A-t-il été victime de son imagination ou peut-être de l'influence du médium Raymond Réan? Impossible à dire. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui encore, le mystère de Lucie, le fantôme du château de Vaux, demeure. Sinon, il ne serait pas mystère, il serait information plus rassurante, mais tellement moins poétique. Lucie, oh Lucie, qu'est-ce qui t'amène, Lucie, oh Lucie, qu'est-ce qui te gêne? Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le fantôme du château de Vaux avec nos deux invités, Jean-Yves Casga, bonjour. Vous m'entendez, Jean-Yves Casga? Vous êtes dans les studios de France Bleu, Provence, à Aix-en-Provence. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis Christian Rose, que vous connaissez si bien, donc ancien ingénieur du son, qui vous a accompagné dans cette incroyable expérience au château de Vaux. Lui, il est au téléphone dans le Var. Christian, bonjour, vous m'entendez? t'entends très bien. Bon, alors, Jaïf Kasga, 33 ans après cette incroyable aventure, qu'avez-vous ressenti en écoutant ce récit? Je veux dire par là, est-ce que vous confirmez à nos auditeurs que l'histoire que nous venons de raconter est bien une histoire vraie? Vous allez me dire oui, évidemment, mais pourquoi? Alors, je vais commencer par vous dire oui et vous dire que, grâce à vous, je suis remonté dans le temps. Non seulement j'ai rajeuni, mais c'est tellement agréable de revivre en se sentant extérieur tout en étant très impliqué, puisque j'étais au milieu de l'histoire, ça c'est sûr. Bien sûr, Christian. Non, je confirme, je confirme. Ah, vous confirmez, bien sûr, Christian Rose. Même question. Je vais dire exactement la même chose que Jean-Yves. Ça, c'est assez bouleversant, oui. Parce que c'était une expérience extraordinaire. Et là, j'ai revu, j'étais là-bas. Bon. Très bien. Alors, Jean-Yves Kasga, vous avez donc bien vu. Alors, ce que j'appelle moi cette chose, on pourrait l'appeler autrement, mais enfin bon. Comment la décririez-vous aux éditeurs maintenant avec toute la clarté de vos souvenirs? Clarté, c'est le mot. Et d'autant plus que Lucie, hein, c'est la racine de lumière, donc c'est pas par hasard sûrement. Moi, je voudrais juste poser d'abord quand même une règle que j'ai toujours eue en m'intéressant ou en enquêtant sur ces phénomènes. C'est, pour moi, il n'y a pas de paranormal, il n'y a que du normal, pas encore expliqué. D'accord. Donc, il faut aller essayer d'accumuler des éléments qui, même incongrus, peuvent peut-être poser question. Et là, vous l'avez magnifiquement raconté. Alors, c'est vrai que, oui, bien sûr qu'on a envisagé l'hypothèse de l'hallucination collective, parce que c'était la chose la plus évidente avec Raymond Réan comme directeur de cette hypnose. Mmh. Mais il y a déjà un élément qui ne concorde pas, c'est tout le problème de ces dossiers, c'est que vous trouvez sans arrêt des choses qui se disent le contraire, et pourtant elles arrivent toutes. C'est vrai que c'est extrêmement suspect que, sur tous les appareils photo, il y en avait trois qui tournaient, plus une caméra, il y en a qu'un qui sort une photo, c'est l'appareil de Raymond Réan. Mais bien que tout le monde ait été équipé en pellicule sensible, on est quand même, il y a une trentaine d'années, c'était pas tout à fait comme maintenant, la qualité de lumière que pouvaient générer les appareils. Raymond Réan disposait d'un des premiers, ça venait de sortir, les appareils à mise au point automatique. Il y avait un petit infrarouge qui allait frapper la cible et qui donnait la distance. Et en fait, la photo qu'on a, où on voit effectivement une sorte de forme, attention, c'est pas une silhouette, hein, ça serait plutôt la Corse à l'envers, hein. Ouais. Elle est en couleur. Et elle s'apparente plutôt à une thermographie. Ça va du rouge au bleu, et donc ça va du chaud au froid, quoi. Mais c'est grand comment? C'est grand comment? Alors, dans nos yeux, enfin, dans le chemin de ronde, ça a été comme une explosion. Parce qu'en fait, on a suivi une sorte de pulsation lumineuse qui était assez intéressante parce qu'elle n'émettait pas et elle n'était pas projetée. C'est-à-dire, c'était pas un rayon de lune ou quelqu'un qui jouait avec une lampe torche. Mmh. C'était vraiment un truc autonome et qui pulsait. C'était comme une respiration. Ça grossissait un peu, mais très très lent. C'était très très doux. C'est pour ça que ça durait si longtemps et ça se déplaçait tout doucement en allant vers le chemin de ronde en partant de la salle des pendus. Et à un moment, le truc, la chose, la pulsation explose. Mais vraiment, je sais pas, 1m80, un truc énorme. Mais nous, ce qu'on voit, c'est tout blanc. Et c'est comme un éclair. Oui. En réalité, ça se passe sous le micro, qui aurait dû s'arrêter de fonctionner puisque la décharge de condensateur qui s'est produite et qui a émis ce que Jean-Michel Coqui avait perçu comme un cri alors que c'était une décharge de condensateur, mais on comprend aussi que l'interprétation était complexe. Hein. Mmh. Et ça s'est passé sous ce micro-là. Et comme on a la photo de Raymond Réan avec cette mise au point automatique, on se dit que en fait, le faisceau infrarouge a tapé quelque chose qui était chaud. Alors, Jean-Michel Coquille est avec nous en régie, il confirme ce qu'on me dit. On va donner la parole à Christian Rose et on va écouter juste après Raymond Réan, parce qu'il joue un rôle important. Christian Rose, je suis presque jaloux de ce que vous avez vécu. J'imagine que vous étiez des adultes, est-ce que vous vous êtes retrouvés comme des enfants? Vous voyez, on imagine un retour à l'enfance, ça c'est assez fantastique quand même. Moi, je retiens une expérience incroyable, c'est que la veille, comme il ne s'était rien passé, on a fait, avec Jean-Yves, on s'est promené dans le chemin de Ronde et tout ça, et on avait la trouille tous les deux. Ah oui. Et ce jour-là, le jour de l'apparition, c'était comme un... Alors, j'étais apaisé, moi, au contraire. C'était féerique, quoi. C'était plus féerique que sordide. Et voilà. Christian, allez-y, je vous ai coupé, allez-y. Non, mais il y a d'autres choses, c'est qu'il s'est passé d'autres choses extraordinaires dont on n'a pas parlé parce qu'on n'avait aucune preuve. Comme par exemple la porte qui donnait de la tour des pendus au chemin de Ronde. En tant que technicien du son, le plaisir c'était d'enregistrer cette porte qui grince et tout ça. Bon, on a fait ça. Et ce jour-là, cette porte était fermée pour la caméra. Et quand on a assisté à l'événement, elle était complètement ouverte et elle a fait aucun bruit. Ce qui est assez étrange, quoi. Oui. Bon. Mais j'en ai pas la preuve. Je dis simplement que en écoutant la bande, on s'est rendu compte que la porte n'a fait aucun bruit. Alors, comme le disait Jean-Yves Gascard, Raymond Réan a joué un rôle important dans cette affaire. On va l'écouter, ce Raymond Réan. Alors, il s'exprime un an après les faits, c'est donc en 1985, pour France 2. Monsieur Réan, oui. Alors qu'est-ce que vous avez vu ici l'année dernière? Ah ben, l'année dernière, j'ai vu une forme fantomatique qui se déplaçait entre les deux tours que vous voyez là, entre la tour de l'horloge et la tour mal coiffée. J'ai eu l'impression qu'elle sortait d'une oubliette, dans la tour là. Et ça s'est passé à minuit exactement. Et alors l'apparition est d'abord s'est présentée sur une forme assez nébuleuse, et après elle a pris consistance. Elle a d'ailleurs pu être perçue par plusieurs personnes qui étaient là présentes. Pour vous, c'est un fantôme? C'est ce qu'on appelle un fantôme. Ça a d'ailleurs été photographié pour la première fois. On a pu tirer des clichés qui ont été contrôlés, qui ont été expertisés. Vous les avez là, les clichés, là, non? Je les ai, oui. On peut les voir? Je pourrais vous les montrer, bien sûr. Alors, comment vous expliquez ça, vous? Ben, on a du mal à l'expliquer parce que, dans le fond, cette photo-là est expertisée. Vous vous en doutez bien. Un coup pareil, il a fallu l'expertiser, ça a été plusieurs fois vérifié. On croit que c'est une manifestation d'un défunt, pour la bonne raison que si on l'appelait par son nom, elle s'appelle Lucie, hein, c'est une femme. Alors quelle est l'histoire de Lucie là? L'histoire de Lucie, je préfère vous la laisser raconter par le baron qui la connaît mieux que moi. Hein. Il vous la racontera avec beaucoup de détails, mais ce qu'on sait, que c'est une femme qui a été assassinée, qui a été jetée dans l'oubliette. Voilà, c'est ce qu'on a raconté également. Jean-Yves Casga, maintenant, il y a la petite fille de ce Raymond Réan, elle s'appelle Aurore. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ses réactions? On l'a entendu tout à l'heure. Quand vous écoutez attentivement, y compris l'extrait que vous avez diffusé, on voit bien quand même qu'elle est sous l'emprise de son grand-père et qu'en même temps, elle a peur. Et le tout début... elle la voit plus, Pépé j'ai peur, et quand elle est rassurée, à ce moment-là, elle établit une sorte de dialogue, mais comme une petite fille qui jouerait à la poupée, avec cette pulsation lumineuse, et en plus, ça faisait quand même un moment que son grand-père lui racontait où elle allait aller, l'histoire de Lucie, son imaginaire était déjà bien chaud. Mais oui. Pourquoi il l'a emmené? Il l'a emmené pour lui faire plaisir, ou vous avez essayé d'interpréter cette présence, vous? Alors, quand je lui ai demandé, c'est quand il a proposé de venir avec sa petite fille au départ, enfin, ce qu'il m'a raconté la première fois, c'était que, ah bah, comme ça, elle venait avec son grand-père, c'était comme un cadeau qu'il lui faisait. Mais c'est vrai aussi que Raymond Réan, il aimait bien quand il y avait des caméras, quand il y avait des micros, et donc, par rapport à sa petite-fille, ça le positionnait, parce que c'était quelqu'un d'assez connu dans le milieu de la parapsychologie, mais faut se remettre dans le contexte, c'était pas évident de dire haut et clair bonjour, je suis parapsychologue. Hein, oui, c'était assez mal vu. Voilà. Et l'assistante de TF1, Argia Venturino, elle semble presque paniquée à un moment par ce qui se passe. Elle l'est vraiment ? Vous vous souvenez ? Non, elle n'est pas paniquée. Elle est bouleversée. C'était une jeune femme très très douce, très gentille et très professionnelle, parce qu'à l'époque, sur les émissions de télé, vous savez, quand on partait en reportage, il y avait toujours pas mal de monde, et parce qu'il y avait beaucoup de matériel et qu'il était beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd qu'aujourd'hui. Et donc, elle gérait l'équipe, mais tout, parce qu'il partait souvent plusieurs jours. Donc, il n'y avait pas simplement s'occuper bêtement de la logistique. Il y avait aussi tous les rapports humains. Et c'était une personne extrêmement douce. Et quand on s'est installé, elle était ouverte, mais pas plus que ça. Bon. Et quand tout d'un coup... Oui. Mais même moi, j'ai été surpris. Quand tout d'un coup, le phénomène commence à se produire, c'est vrai que ça fait très très drôle. Et elle le manifeste de manière très forte. Oui, ce qu'elle ressent. Ah oui. Alors, il y a parmi les auditeurs de France Inter, évidemment, des esprits rationnels, enfin j'imagine. Donc on va écouter ce qu'en pense un scientifique, professeur Rémi Chauvin, d'une équipe de scientifiques de l'Université de la Sorbonne et du CNRS, qui s'est d'ailleurs rendu sur place, et voilà ce qu'il disait, toujours au micro d'Antenne 2. À la nuit tombée, une équipe de scientifiques arrive au château. Certains d'entre eux désirent rester anonymes. La science officielle est très discrète avec ces phénomènes. Pourtant, cette fois, l'observation va s'appuyer sur des moyens objectifs. D'abord, on va faire un certain nombre de mesures physiques. Alors, on va voir déjà s'il y a des paramètres physiques qui bougent ou qui ne bougent pas. J'ai apporté des animaux de laboratoire. On va voir s'ils sont impressionnés ou pas. C'est très improbable, mais on ne sait jamais. Hein ? Et puis... on va essayer d'avoir une conclusion d'après ce qu'on a vu, et puis surtout d'après ce que les appareils de physique auront enregistré, d'après ce que les appareils photo ont enregistré ou pas. Et puis, je sais pas si on pourra conclure, mais on pourra peut-être faire un pas, c'est comme ça, vous savez. Analyse de l'ionisation de l'air, analyse fine des ondes radioélectriques, enregistrement des sources lumineuses, enregistrement des ondes sonores grâce à des micros disséminés un peu partout dans le château. Si Lucie se promène par ici, aucune chance pour elle de passer inaperçue. Alors, toute dernière question, Jean-Yves Casga, vous comprendrez mon souci, c'est qu'il ne reste que 30 secondes, vous savez comment ça marche. Donc en quelques secondes, pour vous, l'explication logique à cette apparition, ce serait quoi, à moins qu'il n'y ait pas d'explication logique ? Alors, bon, c'est vrai, moi je ne suis pas trop parti sur l'idée du retour de quelqu'un de défunt. En revanche, il y a pas mal de choses intéressantes. Tiens, le château est quand même dans une région volcanique. On sait que dans la pierre volcanique, il y a du gaz, le gaz radon, que dans certaines conditions, il peut s'enflammer. Donc, il y avait ça comme piste. Et puis, depuis, on a quand même eu un prix Nobel de chimie, Georges Charpak, qui avait dit que... il rêvait de faire une expérience qui était de partir d'un morceau de poterie d'argile qui daterait de 1000, 1500, 2000 ans et qui serait capable de sortir de ce tesson d'argile les bruits qu'avait entendu le potier au moment où il avait façonné ou travaillé sur son tour. Et donc, c'est pour ça que j'avais titré le papier « La mémoire des murs » à propos de Lucie, parce que peut-être que ce à quoi on a assisté, c'est comme si on avait lu de manière un peu bizarroïde un CD sur lequel étaient gravées les informations de la fin de Lucie. Eh bien, ce sera le mot de la fin, parce que c'est la fin de l'émission. Merci infiniment Jean-Yves Gasca, et je salue évidemment, et je remercie au passage Christian Rose. Merci messieurs, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le fantôme du château de Vaux. C'est l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui.